Jenibéa, 7e royaume. Tokutaninga na ye situation moko na la vie. Amoureux déçu, les femmes battues isolées, la joma be motoyo. La rockstar va bien. Tokuta nina na ye situation moko na la vie. Amoureux déçu, les femmes tu isolé. La joma be motoyo. La moto ma be o. Taki ma ina vino. Viki e Jenny, Viki si ma yo kasa ki motema eza kobeta. Le matin en moi mais la katia bunke kende malamu evita vi chérie yo kobela luki evita vi bienvenue vi ma vie bobo evita vi comme des roma vivina nga obona yo evita vi chenu awa okina vina nga ma vie a changé o obenga kanga mon bébé. Chamon Voto, Faustin Christiana, bienvenue Mongo. Qui la roche coucou. Beaucoup d'enfants pour Richard Cavani. Studio NJ dans Paris.